Amis cancers, bonjour et bienvenue dans votre petit tirage concernant vos amours pour le mois de mai 2023. Alors, quel va être le message de l'oracle de Béline pour vous? Wow! Apparemment, il y a une bonne nouvelle. Alors, c'est une nouvelle qui vous fait vraiment très très plaisir. C'est vrai que cette carte de la beauté, eh bien, c'est l'épanouissement, le bien-être intérieur. Et ben, on est aussi vraiment charmé, on peut rougir, on peut être heureux du message que l'on reçoit ou de la nouvelle que l'on reçoit. Alors, on va, là, c'était la coupe. On va voir la suite du tirage. Donc, le mois de mai 2023. Pour les cancers, les cancers, les cancers. Hop. Je mets les autres cartes de côté. Alors, est-ce qu'il y a un message pour vos amours? Alors attendez, hein. D'accord, là je suis obligée d'en retirer un peu plus pour pouvoir mieux comprendre. Apparemment, ben, vous êtes reparti sur dernièrement sur l'envie de vous épanouir, de profiter de la vie. Il y a des projets familiaux pour vous ou des projets de famille si vous êtes célibataire ou en tout cas des projets en famille si vous êtes en famille. Et au-dessus de vous, par contre, apparemment, il est possible que ce soit le moment par rapport à ces cartes-ci de couper. Alors, je vais faire deux choses différentes, sinon on va pas s'y retrouver. Je parle aux célibataires d'abord. Apparemment, il est temps de couper avec une personne qui est nocive pour vous. Il est temps de rompre. Alors, si vous êtes seul, ça peut être aussi. Il est temps d'arrêter d'attendre de l'affection d'une personne qui n'est pas capable de vous en donner ou qui vous en donne mal, qui vous aime mal. Donc, cela. Au mois de mai, vous permettra quoi? De trouver par la suite, alors on ne dit pas que c'est au mois de mai, mais par la suite, de vraiment trouver une union, développer une union dans une rencontre idéale. Ici, il s'agit de l'âme sœur. Et donc, c'est vrai qu'il y a une rencontre très importante qui peut vous arriver dans les mois qui viennent. Alors là, c'est plutôt dans les 3 à 6 mois. Si vous acceptez ici, au mois de mai, de tourner une page définitive du passé, ou de rompre actuellement avec une personne qui ne vous convient absolument pas, faut accepter. Et donc, pour les couples, eh bien, moi, je dirais que pour les couples, peut-être qu'il y a, c'est pareil, il y a peut-être quelqu'un, alors c'est peut-être pas. Alors, c'est peut-être des souvenirs d'une relation que vous idéalisez un peu, que vous devez mettre de côté pour vous épanouir pleinement dans votre relation actuelle. Et sinon, ça peut être également la nécessité de rompre une relation qui vous est néfaste. Alors là, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau d'une amitié. En tout cas, il y a quelqu'un qui dessert votre bonheur amoureux, qui dessert votre couple. Et donc, il va falloir faire un choix et accepter peut-être de vous éloigner d'une personne de mauvais conseils ou qui tente, peut-être par jalousie ou autre, de déstabiliser votre couple. Et cela, donc, vous permettra, à ce moment-là, de retrouver le plein équilibre dans votre union actuelle. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de mai.